Selon le journal d'internet sud-coréen Tongil News, une statue d'ouvrier est mise sur pied le 24 août aux environs d'une galerie de la mine de manganèse à Kyoto, Japon, où l'on avait contraint de nombreux Coréens aux travaux forcés et cruels pendant la colonisation japonaise. Ce jour-là, devant la statue, les membres des délégations de la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques et de la Fédération des unions syndicales de Corée du Sud ont tenu un meeting avec les fabricants de la statue et ressortissants coréens au Japon. Précédemment, les deux syndicats sud-coréens ont participé à la cérémonie commémorative à la mémoire des victimes de Ukishima Maru.